sa bakakokan kimuni e lenap kanila nati esa glada kosam realize little pisa J'aime dans son bon j'aime mystère. Si vous goûtez lui, ou va ouais ça m'a dit ou là. Bon ouais lui son bon j'aime merveille. Lui son pareil. Ma boyon dans ses amis. Bien j'aime bon j'aime. Lui c'est Alpha ou Omega. Après lui pas qu'il est là d'accord. Lui omniscient, omniprésent. C'est lui même qui gagne tout pour moi. Bagay si la, bon Dieu kriye nan image li, sa se yon verite. Genye sel bay kyay ke mwen certain, bon Dieu kriye nou tout a image li, yo te met di sa yon vle, bon Dieu nan li reye. Bon Dieu nan son, bon Dieu ki tout pisan, really tout pisan, zanmi mwen fok kapab respekte sa. Some Really to be some Some in way